Pouf, bah c'était moins une hein, quand même. Ouais, ça va. Ah. J'ai pas pris le bon. C'est pas le bon. C'est celui-là. Bon, hop. Là c'est bon. C'est bon. Ouais. Ah, voilà. Bonsoir Gaël. Tu vas bien ? Oui. C'est Pyongyang Stereo 15 numéro 376. Ah, bon. Micro siffle. On a les grands témoins là. Deux branleurs. Deux branleurs, dont un ancien qui vient nous dire bonjour, c'est Jérém. Ouais, non, mais tu pourrais te rapprocher d'un micro, je sais pas, ou faire un truc, quoi. Fais quelque chose. Ouais, mais le 3, c'est le pire. Le 3, il va pas. C'est celui qui s'allume pas, tu sais. Ah ouais, non. Bah, c'est mieux, là. Tu m'entends mieux. Tout ça pour dire un bonjour. Tout ça pour dire bonjour. T'as pas ramené de musique? Non, écoute, j'ai pas ramené de musique. J'ai ramené de la bière, c'est tout. Ah, ça, c'est mieux, ça. Bon, ah ouais, merde, putain, j'ai payé la mienne. Tu peux rester. Je peux faire avoir. Ce soir, un petit peu de tout. Moi, j'annonce quelques concerts et puis sinon, la musique bizarroïdale, comme d'habitude, pour l'instant. Et toi, Gaël ? Moi, ça va. Moi, j'ai de la musique normale, comme d'habitude. Normal. Bon. Eh bien, je commence avec un classique des classiques, Partisans, les Anglais, hein, pas les partisans français. The Partisans avec Power and the Greed. Alors, c'était les partisans en direct de la plage de Badalona. Presque. Tu l'as déjà raconté, mais bon. Tu l'avais encore ? Non. On va plutôt écouter First Attack. C'est un nouveau groupe de Vancouver avec Mr. Greg Huff in it. Alors, Greg Huff, c'est entre autres The Lancasters, Alternate Action, Bishop's Green, pour ne citer que ça. Il chante toujours, mais dans First Attack, il tient aussi l'une des deux guitares. Alors, j'ai pas creusé plus pour les autres Zikos. Greg Huff était suffisant pour que j'y jette une oreille. Alors, le groupe a joué son premier concert il y a quelques semaines à Vancouver en ouverture pour Castillo, le groupe de Los Angeles qu'on a déjà passé une paire de fois. Et j'ai pris avec moi le morceau On the Other Side, extrait du single dispo sur Bandcamp pour l'instant. First Attack, The Other Side, 106,6, campuslille.com. Oui, presque. Ça s'écoute tout cette affaire. Ah bah, pas de secret, hein. C'est du Bishop's Green, quoi. Enfin, du Greg œuf. Œuf. Ouais. J'ai toujours dit, je vais le ressortir. Hein. Meilleur blast pour un skinhead, quoi. Ouais. Greg œuf. Eux, je sais pas s'ils ont le meilleur blast pour des punks. En tout cas, ils viennent de Samara, en Russie. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Blank Generation, qui a déjà sorti pas mal de choses. Ils ont récemment envoyé une radio amie, et même pas concurrente, Droogies Radio, quelques points wave à diffuser. Et Droogies nous en fait profiter dans Pyongyang City Rockers. C'est quand même beau. Ah, beaucoup de choses, hein, qui viennent de Ouais, j'avoue. Et donc voici Blank Generation qui se partage entre plein de trucs, leur cœur balance entre le punk 77, le punk 80, la no wave et puis l'art punk. Ils font un peu de tout, quoi. Il y a même des titres reggae. Mais pour l'instant, je vais vous passer à un titre punk normal, on va dire, normal. Je dirais même que c'est plus, ça tire vers le hardcore années 80. Tu vas intéresser le hardcore punk années 80, oui. Si tu commences à mettre des étiquettes comme ça. Ouais. Bah, Schnapp, si tu veux, tu peux téléphoner au 03 62 26 89 18, mais pendant le plage musical, pour nous dire ce que tu penses de ces dénominations. Et comme ça, on lui passera Jérémy. Pour l'instant, voici Blank Generation avec Takogone et Bivayet. Ça veut dire un truc comme ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qui n'arrive jamais? Je ne sais pas. Peut-être que eux attendent des choses en Russie, puis que finalement, bah, c'est toujours le même merdier. Blank Generation. Ah ouais, j'ai oublié, c'est mon anniversaire de ma maman. Bon anniversaire, maman. Un petit côté artiste. Ouais, c'est vrai qu'on sent bien le art punk là. Quand c'est fini, ben non, on va continuer. J'en passerai une autre fois, autre chose. C'est vrai, juste ces 40 secondes qui servent à rien. Ouais. Si on les enlève, tu veux dire. Allez, 30. C'est plutôt pas mal. Allez, un descriptif maintenant. Punk hardcore surefficace qui donne envie de tout retourner, son salon et le vieux monde. Des chansons d'amour et de haine, de perdition et de solidarité pour les oublier, les inadapter et les enfermer. Membres de Traître, Kronstadt, Année Zéro, Götter, Chiaroscuro et Alarme. Tout prendre, tout détruire. C'est le descriptif que j'ai reçu du label nantais Une Vie Pour Rien, qui va sortir le 27. Non, qui est sorti le... Non, qui va sortir le 27. On est le combien ? Le 19. 19. Qui va sortir le 27 février. La deuxième prod du groupe en 7 pouces. La première, c'était une démo cassette sortie sur le label de Cyril Dirty Slap Records en 2023. Alors, j'ai pris avec moi le morceau « Quelque chose craque », car c'est le morceau que GLS, grand leader Stéphane, préfère. Ah ouais, c'est deux morceaux en un. Lille City Rockers dans ton Pyongyang City Rockers. Bim, c'est Adrien Short Days, Rémi Carroscuro, Louise, Pierrot Kronstadt et Coralie Alarme sur le 106,6. Pas du tout venir, c'est très bien Camélia Sinensis, franchement ils sont bons. Prochainement, c'est au mois d'avril, ils sont au CCL, je crois, c'est ça? T'as dit, toi t'as les dates en tête, non, Manu? Bon, c'est tout. Ouais. On en reparlera. Pour l'instant, ce qui va passer ce dimanche au Pits, c'est Anomalies avec je sais plus qui. Regardez, je vous le dirai après. Pour l'instant, aussi un de leurs titres récemment sortis, fin 2024 ou début 2025, je ne sais plus. Down the Hole, vous tombez dans un trou et puis après, bah, c'est fini. C'est The Anomalies. Ils ont embauché JJ Faster. C'est ça. Anomalies. Bon, et donc ils seront au Pits ce dimanche à partir de 17h. C'est l'ouverture des portes. Le concert est à 18h. Ils seront en compagnie de Chief Chaffs, excellent, qu'on a déjà reçu ici. Ils ont même fait un concert. Et puis il y aura aussi Human Toys. C'est un duo garage punk de Bruxelles, je crois. Voilà, c'est 10 balles l'entrée, hein, je vous dis tout, comme ça. Et ouais, dimanche, c'est en une journée où il y aura plein de trucs. Ne serait-ce que pas trop loin. À Tourcoing, il y aura Tramos et Cerveau au Grand Mix. Et puis sinon, au CCL, il y aura Union Tugs, les Montréalais qui font du folk punk. De grève. Voilà. Et il y aura les fausses sceptiques et un groupe choral Sentido Comune. Ça sera au CCL aussi ce dimanche 23 février. Mais je vous passe pas de titre parce qu'ils sont vierges. Non, parce que j'ai oublié d'en prendre. Voilà. Alors la semaine dernière, il y a Grande Lidris Valdimir Platine qui vous a présenté le groupe de Pamplune Reaper, dans lequel on retrouve des gars de Against You et de The Dillingers. Et bah Against You ont sorti un long morceau de 5 minutes pile poil. C'est pas du progressif ni du doom, c'est bien du punk rock. Et comme c'est basque, bah c'est plutôt bien ficelé. Voici le texte qui accompagne le morceau. Premier aperçu de notre nouvel album qui sortira le 28 février 2025. La chanson s'appelle Against You et une revue de ces 10 années d'existence. Bah moi, je dis vivement dans 10 jours. Ah ouais, le morceau est chanté en castillan au début et en basque à la fin. Je vous balance ça de suite sur le 106,6 de la bande FM à Lille ou sur le campuslille.com. Non, il fonctionne pas. Si, enfin bon, Pyongyang City Rock. Un jour, il fonctionnera, tu vois. Oui. va pas tout de suite lancer Bathlost, il faut déjà les présenter. Pour dire que premièrement, c'est un nouveau groupe lillois. Où est-ce que je les ai foutus ça? Donc c'est un nouveau groupe lillois, c'est du post-punk, vraiment post, avec dedans des gens de Cabro Chico, me semble-t-il. Leur premier concert, c'est ce vendredi 21 février, à la Mule Solo, à partir de 21h à peu près. À Mule Solo, 9 rue des Arts, dans le Vieux-Lille. Et ben, on va pouvoir les écouter dès maintenant. Bathlost avec Dialogue. Donc, voilà, Bathlost, ils vont passer vendredi à la Mule Solo. D'accord. Bien la Mule Solo. Ouais. Ouais, bah oui. C'est petit, mais c'est bien. Il est, ouais, c'est il est le 20... carré, mais c'est bien. Il est 20h et bah ça sinon... coûte la Citadelle, mais c'est bien. Non, ça n'existe plus la Citadelle. il est 20h32 sur l'antenne de Campus. C'est l'heure de Jamie. 33 même. Ah, mais où est Jamie n'est pas là. Il a le Covid. Ouais, allez. Des et il peut même pas nous écouter parce que... Ah si, si, il y a un vieux poste à galère. Un vieux poste, ouais. Putain, c'est trop bien. Voilà. Tu vois, comme quoi, il faut toujours avoir une vieille radio. C'est vrai. Bon, allez, À vous, monsieur. À moi ? Oui, bah oui. Ok, ah, je oui. pensais que tu en pensais un deuxième. Oh, bah non, je vais en passer un deuxième. Ah, voilà. Allez. Bah non, j'ai déjà passé un deuxième. Bon, bah allez, c'est à moi. Non, alors. Non, c'est à moi. Non, voilà. Allez. Ils vont se battre, là. Attention. On va pas se battre, on va manger italien avec lasagne. Enfin, L-A-Sagne. Je sais pas comment ça se dit. C'est son façon des flamands. Ils sont de Courtrai, je crois. Très, très porté sur le véganisme. Voici justement un titre qui dit que la nature humaine n'est pas. C'est des lasagnes de véganes. Manger, ouais, de manger de la viande. Human Nature, lasagne. Guerre. C'est bien cette affaire. Guerre. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, il faudra regarder pour savoir quand il passe en. Il et elle passent en concert. Il faudra regarder sur spunk.org parce que c'est bien. Il y a quelqu'un qui se démène pour y foutre plein de concerts. Merci Stéphane. Ah. Ouais. Eh ben putain, je sais pas comment je suis passé à côté de ce morceau. Surtout que le groupe, ben, je l'ai vu une paire de fois en 2024-2025 et que je converse assez fréquemment avec le chanteur. Ça doit sûrement dû être à mon papillonnage depuis que je suis un QTRE. Samedi, je suis allé à 72 Records à Bruxelles et je suis reparti avec quelques plaques, dont une que j'avais pas prévue du tout. La compilation des 25 ans du shop parisien Born Bad. Dedans, on y retrouve pas mal de groupes chelous, chez Père, du Born Bad quoi. Et en plein milieu, un groupe de Oi Bover Rock qui nous livre un morceau expéditif et inédit de 1 minute 42. Le groupe c'est Clem Choice, le morceau c'est Make Some Noise, et c'est tout de suite dans Pyongyang City Rockers, Radio Campus Lille. Oi. We'll be right back. C'est vraiment excellent, Clem Choice. Ah, hein, ouais. Franchement, ouais, de mieux en mieux. Hein, il a raison, le monsieur. Hein. Ouais. Vivement le prochain. Ouais, youpi. Ils sont rentrés en studio début d'année. Ils y retournent dans quelques semaines. Vivement. Bon, allez, je baratine un petit peu dans la série. C'est systématiquement débile, mais toujours surprenant. On apprend aujourd'hui même que la députée US Claudia Tenney écrit une proposition de loi faisant du 14 juin un jour de congé fédéral. Le 14 juin, c'est ce qu'aux États-Unis on appelle le Flag Day. En effet, c'est le 14 juin 1777 que le drapeau des États-Unis a été officiellement adopté. Mais le 14 juin, c'est aussi le jour anniversaire de Donald Trump. Ainsi, la députée Claudia Tenney propose dans son texte de nommer ce jour de congé Trump's Birthday and Flag Day. Excellent. Qu'est-ce qui est plus important, c'est le pays ou le dictateur? On va savoir. Non, mais franchement, ils sont. Macron's Day. Ouais, bah pourquoi pas. À mon avis, ils vont beaucoup. Non, je veux qu'on ait le jour férié des Américains chez nous. En fait, on pourrait faire de tous les jours des jours fériés. Et sans regarder les anniversaires de n'importe quel débile, quoi. Au moins un par semaine. Bon. Au moins un par semaine. Plus du dimanche. T'as un petit côté socialiste. Hein. Moi, je suis pour 7 jours par semaine férié. C'est encore mieux. Bref. Totalement rien à voir. Je vais faire un petit tour en Algérie avec Begleras, un groupe d'il y a presque 20 ans maintenant. Avec deux titres. Premièrement, un truc à Larbou Reba. Je sais pas ce que ça veut dire. Et puis ensuite, une reprise que je vous laisse déguster. Vous devriez la reconnaître normalement. Begleras. Démarrer. Ah bah j'ai trouvé. Oh, putain, c'est t'es fort. My Eyes de Minor Threat. Ouais, bravo, ah. Il est fort, tu sais. Il est fort notre gueule. Je suis pas encore, mais j'ai des connaissances quand même. Youpi, il est 20h44, c'est le moment de passer encore un groupe qui va passer ce vendredi, mais cette fois-ci ce sera au Bidule, rue Henri Kolb. Enfin, sur l'affiche, c'est marqué 19 rue Henri Kolb, parce qu'apparemment les groupes, attends, il y a quoi ? Il y a Udada et Noponix. Tu connais c'est Udada, vrai, Udada ? C'est un groupe de Kolb punk, non ? Ouais. Et donc la soirée, je passe Noponix qui ont la joie de se présenter eux-mêmes comme groupuscule psychosynthétique à tendance stoner voire polka 100% hot cold. Ouf. Moi je clique même pas, je vois ça. Non mais si, tu vas voir, c'est vachement bien. Avant d'aller les écouter vendredi au Bidule, gaguette, vous pouvez les entendre dès maintenant avec Mit eine grosse Stimm. Noponix, oui. Ein Spitz mit seiner Kultur sagt auf die Löffel. Einzig Spittensekt, einzig Spittensekt, einzig Spittensekt. Und ein Spitz. Ja, ich will Spitz mit den Hälften setzen. Ah, und die Herren. Und die Herren Mädchen. Ah, die Herren Mädchen. Ah, die Herren Mädchen. Ah, die Herren Mädchen. Und die Herren Mädchen. Und die Herren Mädchen. Ah, und der Holstein mit der Muss, der Muss, bei der Kinderkatzenjammer, der Katzenjammer mit der guten Technik, mit bei Gott und guten Sekt. Da, Strafenzeit, übrigens auf der Bierstrafenzeit, der von der Bierstrafenzeit, das ist der Ouais, c'est bizarroïda là. Mais c'est bien ça, le descriptif en tous les cas. Ouais. Dis bien ce que c'est. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de passer parce qu'on on passe trop de boum boum. Pas, ça passerait voilà. Pas ailleurs. Voilà, exactement. Même à campus, ça passe pas ailleurs. Ah, moi, j'ai un groupe son clean là. Bien. Et vas-y. Ben, vas-y, je t'en prie. Vas-y. En plus, je comprends rien à ce qui est marqué. Ah bah ouais. Bah, c'est marqué en cyrillique grec. Alors, hot disque que j'attends avec impatience. Il est dans un entrepôt bloqué par Bipost depuis 12 jours. Les salauds de grévistes. Mais bon, c'est pas moi qui vais les blâmer. Et puis, bah, le disque, on peut en écouter une bonne partie sur le net. Le groupe vient du nord de la Grèce, de Kavala plus précisément, non loin de la frontière bulgare, et s'appelle Bulldog. J'adore tous leurs sons. J'ai eu du mal à choisir le morceau que j'allais vous passer. Et je ne sais même pas le prononcer. Donc on va juste l'écouter et vous regarderez ce que ça veut dire. Périphanos. Périphanos. Le titre. D'accord. Attends, tu sais lire le... Bah j'en ai fait un petit peu quand oh, j'étais petit. Moi j'ai fait du latinus, conardus minus, siroxicopatus. Ouais, moi aussi. Ouais. Bulldog sur Rajus, Campus, Lilus, 106,6 sus. Sauce. J'aime bien Périphanios. Comme 106,6, c'était Bulldog. Ouais. Bon, on rigole des Américains qui font stopper des programmes entiers de recherche scientifique pour des raisons bizarroïdales, mais la situation en France n'est pas si éloignée. Dans les dernières merdes en date, on a appris en fin de semaine dernière que la bibliothèque de la Sorbonne, une des plus anciennes universités du monde, en raison d'une réduction de plus de 40% de son budget en 2025, se voyait contrainte de suspendre le service de prêt entre bibliothèques, le PEB. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? C'est un truc très utile aux chercheurs scientifiques de toutes disciplines confondues. parce que quand la bibliothèque de ton université ne détient pas tel ou tel ouvrage de référence, bah, il suffit de faire la demande du bouquin via le PEB, et une autre bibliothèque, des fois à l'autre bout du pays, voire même à l'étranger, t'envoie pour un prix très modique un exemplaire du bouquin qu'elle a en sa possession pour que tu puisses le consulter. Quand t'es chercheuse ou chercheur, quel que soit ton domaine, et bah, c'est le genre de truc qui peut grandement accélérer un travail de recherche, voire le sauver. Et quand le PEB, comme d'autres services, arrête faute de moyens, bah, c'est l'inverse. Ralentissement des activités de recherche scientifique, puis décrochage par rapport au pays, où là, on met les moyens pour bosser. C'est aussi ça, le bonheur du trumpisme à la française. Totalement rien à voir. Un groupe de La Haye aux Pays-Bas, que j'ai trouvé parmi d'autres trésors sur la cassette Maximum Wandredrach, que j'ai eu à Schmeck de Var l'autre fois à la Malterie. Je vous passe maintenant donc Lifeless Past avec Anxiety. C'est Freddy Loco sur le 106,6. Qui c'est qui a dit qu'il n'y avait pas de concert à Maubeuge? Personne. Eh ben, y en a un. Ce vendredi 21 février, dans le RAD qui s'appelle Au Bon Vin de France. Ah, dès le bon 21h, au 28 rue de la Croix à Maubeuge, aura lieu un concert certainement gratuit de Freddy Loco. Freddy Loco que je n'ai pas vu depuis des années. Je crois que je vais aller faire un petit tour à Maubeuge. Une minute. Vendredi. Voilà. Et en plus, ça, c'est un concert sponsorisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oh. Donc ça veut dire que même s'il n'y a personne, Freddy Loco, il va avoir pas mal de thunes. Voilà. C'est la fin de ce 376e épisode du Pyongyang City Rockers. On était content d'avoir les amis Manu et Jérémy avec nous. Nous aussi, on était content de vous avoir. Et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Pour le 377 du PCR. Et en attendant, on n'oublie pas... À câble. À câble.